Le comité central du Parti du travail de Corée a envoyé son message de félicitations aux ouvriers, bâtisseurs, pêcheurs, techniciens et cadres du complexe houiller du district de Dokchon, du complexe de construction des polders de la province du Pyongan du Nord et de l'entreprise halieutique de Mundo, qui créait des mérites dans la campagne de 200 jours. La cérémonie de remise du message a eu lieu respectivement le 16 sur place en présence des cadres intéressés et des personnels.